On aspire à de meilleurs jours, marche dans ton secours toujours. J'avance, j'avance, à plus tard je pense. Comment sera ma vie? Comment vais-je aborder celle-ci? Aujourd'hui la tête pleine de soucis. Aujourd'hui le bonheur est en sursis. Mais quelle sera l'évolution? Vais-je devoir prendre de nouvelles résolutions à ce mystère? Vais-je trouver la solution? Ce qui est sûr c'est que je suis patient, armé de ma foi en Dieu. J'avance en ouvrant grand les yeux. Un seul mot, l'espoir, l'espoir. Une seule devise, y croire. J'affronterai tous les obstacles, j'éviterai tous les tacs. Je me retournerai en aucun cas. Regarder derrière ne m'intéresse pas. Je pense à plus tard, c'est pour ça que je veille tard. À me demander de quoi sera fait demain. Quel sera mon destin, quel sera mon destin. On verra bien demain. On l'attend tous, le meilleur lendemain. On espère tous, un avenir plus serein. On aimerait tous, se barrer de ce coin. Mais comme disait Ayam, demain c'est loin. On l'attend tous, le meilleur lendemain. On espère tous, un avenir plus serein. On aimerait tous, se barrer de ce coin. Mais comme disait Ayam, demain c'est loin. Aujourd'hui rien qui m'inspire, pourtant j'en ai des choses à dire. Aujourd'hui j'ai mis pas pire, car Ayam m'a beaucoup fait souffrir. Aujourd'hui je veux construire, car Ayam m'a beaucoup détruit. Aujourd'hui j'ai plein d'amis, et grâce à eux je pense. Je suis sorti. Aujourd'hui je pense à demain, car hier je suis tombé dans l'oubli. Aujourd'hui je suis plus con, car j'ai déjà trop de soucis. Aujourd'hui j'ai pleuré, peut-être que demain je vais rire. Aujourd'hui j'ai prié pour que demain soit moins pire. Aujourd'hui c'est le présent, ah ouais, c'est quoi l'avenir? Un CD, une belle fille, un merco, faire une famille. Aujourd'hui père en colère, mais demain je reverrai mes petits. Aujourd'hui je suis en sursis et je ne peux plus voir la justice. Aujourd'hui rien à faire que la musique comme repère. Demain on changera peut-être, mais on changera pas la terre. Aujourd'hui c'est l'enfer, demain sera mieux j'espère. Un lendemain meilleur pour les sœurs et les frères. On l'attend tous, le meilleur lendemain. On espère tous, un avenir plus serein. On aimerait tous, se barrer de ce coin. Mais comme disait Ayam, demain c'est loin. On l'attend tous, le meilleur lendemain. On espère tous, un avenir plus serein. On aimerait tous, se barrer de ce coin. Mais comme disait Ayam, demain c'est loin. Alors dis-moi Eniceo, comment tu vois l'avenir? À Sarro, j'aimerais trop pouvoir te le dire. Je souhaite plus de sourires et voir moins de gens souffrir. Si seulement c'était possible de vivre cette vie paisible, d'arrêter de stresser, de pouvoir se poser. On a eu tant de souhaits jamais réalisés. On a eu tant de blessures jamais cicatrisées. Plusieurs fois on m'a touché mais jamais on m'a coulé. Plusieurs fois j'ai merdé, je m'en suis toujours relevé. On veut tous s'évader, on veut tous s'envoler. Un meilleur lendemain, ça on l'a tous rêvé. Un meilleur lendemain, ça on l'a tous rêvé. On l'attend tous, le meilleur lendemain. On espère tous, un avenir plus serein. On aimerait tous, se barrer de ce coin. Mais comme disait Ayam, demain c'est loin.